Ils écrivent et en plus ils causent. Présenté par K00. Bonjour, aujourd'hui l'émission « Ils écrivent et en plus ils causent » vous présente « Construct, je suis l'avenir ». Bonjour Christophe, aujourd'hui vous allez nous présenter votre revue « Angoisse ». Pouvez-vous nous en parler ? Alors l'angoisse, c'est au départ c'était parce que j'ai du mal à publier mes propres textes, que j'ai rencontré des tas de gens qui avaient le même problème, parce que les textes étaient soit trop trash, soit d'une écriture trop violente, soit des thèmes pas assez vendeurs. Et c'est ce qui m'a donné l'envie de faire une revue qui regroupait un peu tous ces gens pour augmenter notre diffusion à tous en se mettant ensemble. Donc l'angoisse, c'est un peu la revue de tous les gens impubliables, impubliés, trop bizarres pour sortir dans les FNAC ou autres. Ok. Vous pouvez nous lire un petit extrait d'un de vos textes? D'un de mes textes ou d'un des textes qu'il y a dans la revue? Comme vous voulez. Bah alors un morceau d'un texte d'un auteur qui s'appelle Soumise. Et qui a écrit un texte qui s'appelle Pandémie anale. Donc là, c'est un extrait situé un peu après le début. Les médias en parlaient à peine. Il a fallu presque 2 ans pour entendre un présentateur du 20h dire que les godes étaient le vecteur principal d'une nouvelle maladie mortelle. La population a tout de suite soupçonné les Chinois. Moi, je n'y croyais pas trop, comme d'habitude. Je n'ai jamais cru en rien. Les autorités sanitaires, la répression des fraudes et les forces de l'ordre ont fini par identifier les responsables. Enfin, identifier, c'était très relatif. Derrière chaque vendeur eBay de gagball, de strap-on, de plug, il y avait un chrétien hystérique qui, dans une cave, contaminait les accessoires avant de les recouvrir d'une sorte de paraffine. Une fois l'objet inséré dans un rectum, la paraffine fondait et l'individu propriétaire du rectum était infecté. La vengeance de Dieu, la peste des pervers. Dans la plupart des paroisses, il y avait un club de névropathes du crucifix qui administrait un cybersex shop. Les achats en ligne se révélèrent le vecteur épidémique le plus efficace auquel l'humanité ait jamais été exposée. Voilà. Merci beaucoup. Comment peut-on se procurer vos écrits? Alors le plus simple, c'est d'aller sur le blog de la revue, http://revueangoisse, en un seul mot, .blogspot.com. Ou sinon, de me contacter via le Facebook, où c'est construit, tout simplement. D'accord. Vous avez déjà écrit plusieurs œuvres. Pouvez-vous nous faire une petite biographie? En librairie, j'ai un roman qui s'appelle « J'ai peur », qui est sorti à la Musardine. Sinon, j'ai participé à diverses revues, comme la revue Chimère ou Freakwave, et j'ai pas mal de textes qui sont en circulation sur Internet, soit en lecture libre, soit qu'on peut acheter en me contactant. Alors là, c'est pareil, c'est via le site construct.blogspot.com qu'on peut trouver toutes ces infos. Merci Construct, je suis l'avenir d'avoir participé à notre émission. Je rappelle le titre de votre revue, Angoisse, disponible sur http://revueangoisse.blogspot.com. Au revoir à tous et à demain. Musique, slow relaxation, Alban Le Psy, licence art libre.